L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le ribose est une sorte de sucre. Il ne vous dit peut-être rien, mais sans cette molécule, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Il suffit de dire acide ribonucléique ou acide désoxyribonucléique pour que l'on comprenne aussitôt l'importance de ce sucre. Il s'agit bien évidemment de la molécule de base de l'ARN et de l'ADN, bref, de la vie telle qu'on la connaît. L'origine du ribose sur Terre reste une inconnue, mais une équipe française vient de créer du ribose et de nombreux autres types de sucres en laboratoire, simplement à partir de glace interstellaire composée d'eau, de méthanol et d'ammoniac, irradiée par de la lumière ultraviolette telle qu'elle pouvait exister dans les prémices de notre système solaire. On pense que la molécule d'ADN a évolué à partir d'acide ribonucléique, l'ARN. Le squelette de l'ARN est constitué de molécules de ribose. L'équipe française d'astrochimistes a simulé expérimentalement une comète composée de glace en observant attentivement quelles étaient les molécules produites par insolation de rayonnement UV grâce à la spectrométrie de masse par chromatographie de temps de vol en deux dimensions. Cette technique pointue permet de classer les molécules en fonction de leur masse et de les identifier avec une très grande précision. Le scénario qu'ils ont déployé implique la photochimie et la thermochimie des glaces dites précométaires. Il prend pour hypothèse que les planétésimaux, astéroïdes, comètes, petits corps précurseurs des météorites, se sont formés par agrégation de grains de glace déjà présents et se placent dans un environnement de type disque protoplanétaire, où les matériaux peuvent se mélanger. Les astrochimistes et astrophysiciens de l'Université de Nice, de l'Institut d'astrophysique spatiale à Paris et du synchrotron Soleil ont utilisé des grains de poussière composés de silicate et de carbone, entourés par une couche de glace composée majoritairement d'eau, de méthanol et d'ammoniac, les glaces les plus communes. Les grains ont tout d'abord été irradiés par de la lumière ultraviolette à basse température, à 78 Kelvin, et à basse pression, puis remis aux conditions normales de température et pression. Afin de contrôler l'absence de contamination, les molécules de méthanol utilisées étaient marquées par du carbone radioactif, du carbone 13, de manière à pouvoir le suivre dans les produits organiques formés. C'est la première fois que des chercheurs parviennent à montrer que des sucres complexes peuvent être produits simplement à la surface des premiers corps du système solaire. La formation d'autres éléments organiques constitutifs du vivant, comme des acides aminés formant les protéines, est un peu mieux comprise car déjà observée dans des expériences semblables en laboratoire et aussi détectée dans des échantillons de comètes ou météorites. Mais les sucres restaient encore mystérieux du fait de leur détection difficile. Cornelia Meinert de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, auteure principale de l'étude parue dans Science, précise « Nous ne sommes probablement pas les premiers à avoir produit ces molécules complexes dans des expériences d'astrochimie. Les sucres, dont le ribose, devaient être là, mais restaient non détectés. Nous avons pu les détecter grâce à notre instrumentation de chromatographie gazeuse multidimensionnelle. » Elle ajoute « On pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de molécules organiques formées dans ces glaces, mais c'est en fait l'opposé. Nous avons formé de nombreux composés et classes de composés très différents, des acides aminés, des acides, des alcools, des aldéhydes et des sucres. Ces résultats semblent confirmer les indices de présence de molécules organiques complexes à la surface des comètes, comme a pu le montrer le robot Philae à la surface de Churyumov-Gerasimenko dès son atterrissage, où il a mis en évidence la présence de précurseurs d'acides aminés et de sucres. Les implications de cette découverte sont importantes, car les types de glaces étudiés, l'eau, le méthanol et l'ammoniac, existent quasi partout autour des étoiles jeunes entourées d'un disque de poussière. Ces molécules complexes, comme le ribose, doivent donc être très répandues, et avec elles, les briques nécessaires à la vie. Cet article est paru dans Science, l'article de Cornelia Meinert et ses collaborateurs. Il s'intitule « Ribose and Related Sugars from Ultraviolet Irradiation of Interstellar Ice Analogues ». C'est dans le numéro 352 de Science, daté du 8 avril 2016. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur iTunes, et puis sur podcloud.fr, et enfin sur YouTube. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel, les oreilles aussi, et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut !